tes deux frères qui sont des grands gangas du pays, tu m'avais prévenu. C'est pas ce truc. C'est vraiment mon frère là-bas, africain en France. Mon frère, si c'est toi qui vas venir résoudre leurs problèmes, soit tu vas risquer ta vie, ou tu repartiras dans le secteur. Tu m'avais prévenu. Mais c'est juste vous dire que l'huile que j'ai amenée, je l'ai préparée moi avec mes frères chamans, indiens, mexicains. C'est une huile très puissante. Bon. Je l'avais pourtant préparée, c'était avec moi. Mais je vais quand même refaire des petites réserves de doute en se disant, bon, peut-être c'est moi qui l'ai oublié. On verra. Si je l'oublie, ça veut dire qu'il faut me rappeler. En tout cas, si je n'avais pas besoin de me rappeler, il était question qu'avant que je ne parte, je vous frotte cette huile. Cette huile, je ne veux pas développer. C'est une huile d'onction. Ce n'est pas celle des prêtres. C'est parce que j'ai écrit onction. Onction veut dire seulement oindre. Hein. C'est une tradition, même chez nous, dans le Bouiti ou dans n'importe quelle tradition en Afrique. Vous ne pouvez pas vous permettre de traverser cette entrée du temple. Ce n'est pas moi qui ai choisi. Ce sont eux. Vous-même, vous avez vu le geste tout à l'heure. Donc c'est bien là. Le chien a bien approuvé, ce pauvre chien. C'est bien ici l'entrée. D'abord, mon GPS, les esprits ne faisaient qu'insister qu'il faut aller vers le nord, et c'est ici que j'ai choisi. Dans n'importe quelle école d'initiation, il y a toujours une entrée principale. En Égypte, ça s'est passé comme ça, à la grande coupole, pour avoir accès d'abord à la première salle, qui était la salle publique où chacun dans son silence. Et chacun ne devait pas dire des mots, il ne fallait pas parler. Et ensuite, deuxième, c'est le silence absolu, et là vous devez vous découvrir. Et ensuite, troisième, c'est là où vous allez recevoir votre grande initiation. Donc, mes ancêtres, nos ancêtres, donc, exigeaient, que ce soit chez les Pygmées, que ce soit chez les Égyptiens, exigeaient que chaque candidat qui venait pour aller rendre visite aux ancêtres, parce que c'est le but de ce soir, c'est d'aller là-bas, et puis on va parler, je vais vous dire ce qu'il faut dire, mais il faut forcément cette huile. Mais à défaut de l'huile, ben, je suis obligé d'utiliser l'eau pour le moment, symbole de purification, parce qu'on ne peut pas vous permettre de rentrer dans ce temple. J'avais donné des consignes qu'une semaine avant notre séminaire, il y a une chose qu'il ne fallait pas faire. Une semaine avant qu'on se retrouve ici, j'avais donné cette consigne. Bon, certains d'entre vous ne l'ont pas respecté, vous n'êtes pas prévenu. Je ne sais pas, mais pourtant j'avais prévenu. Le monde mystique et spirituel, il y a deux choses qu'il déteste. Il déteste le bruit. Je vous avais dit ça, le silence, c'est quelque chose. Il faut éviter de trop murmurer, il faut éviter de trop parler. Myriam, la sœur de Moïse, était tuée, enfin elle a failli être tuée, mais heureusement, elle a été épargnée. Tous les gens qu'elle a foutus dans la merde, donc il y a des gens qu'on appelle des détourneurs. Elle a détourné ces mecs qui sont tous morts. C'est dit tout simplement qu'on ne blague pas avec le monde des esprits. Donc premièrement, il faut vraiment faire attention au silence, au murmure, au bavardage. Et deuxièmement, c'est le sexe. Ces deux choses-là, quand vous les observez dans votre vie, les portes vont s'ouvrir pour vous. Et il faut faire un travail interne. Donc, je ne vais plus trop faire de discours. Non, cette eau n'est jamais gazée, c'est de l'eau pure. Bon, je ne sais pas. Cette eau est gazée, Georgette? Oui, elle est gazeuse. Oh, d'accord. Alors, je croyais me dire que c'est grave. Même dans l'eau aussi, il faut le dire. Non, on ne va pas être superficiel à ce point. C'est une bonne eau. La pauvre maman a dépensé son argent pour pouvoir. plus derrière. Regardez ce matin. Prochain, suivante. Vous mettre tout autour. Si possible, vous voulez vous asseoir, asseyez-vous. Formez le cercle. Bon, mais dans le cercle, vous pouvez vous tourner comme ça. L'essentiel, ce n'est pas regarder là où vous venez. Avancez, n'ayez pas peur. Vous pouvez vous asseoir sur le bois, profitez-en. Qu'est-ce que tu fais ça? Je t'en prie, je ne regarde pas. Je ne peux pas me montrer. Nous sommes les bienvenus. Nous avons eu l'autorisation de rentrer dans cette petite forêt. Symbole de l'harmonisation, symbole de la présence de Dieu divin, symbole de la particule de tout amour, de notre fils. Aujourd'hui, j'apprends. J'apprends que le Havre ne s'appelait pas Havre. J'apprends que ceci formait un seul continent. Tout s'est simplement étapé de la terre originale. Le Brésil et la France. L'Europe, l'Amérique ne faisait qu'un seul continent. Et le centre de tout, c'était l'Afrique. Le premier ancêtre est sorti de l'Afrique. Donc nos frères qui sont venus ici étaient d'abord des Noirs. Vous savez, c'est lui-même, mon Dieu, c'était ça, c'est le premier homme était noir. Le blanc qui est venu ici, c'était notre père noir. Voilà pourquoi ils sont en train de me dire que ça allait se présenter. Bien. Les esprits entendent toutes les langues. Moi, on ouvre. Au moins, on va ouvrir du manga. Poutoutou. Ça, vous me dites que Marie-Claire. Bamba, Ivandale, Nisanjia. Bamba, Idimbu. Bamba, Idis. Ibink, Sosef. Ça, comme un Ibink. Kumba. Kumba, Idis. Accepter notre présence. Ceux qui peuvent, je répète que les ancêtres de cette terre du Havre ne s'appelaient pas le Havre. Je sais que les Français, là, ils ont fait les recherches, je ne sais pas. Je vais faire mes recherches. Ils m'ont donné un nom bizarre, je n'avais pas retenu. Donc, il y avait cela près de 32 000 ans. Ce Havre-là n'était pas Havre. Tous ceux qui habitaient ici-là, donc c'était de là. Ça faisait partie de la ville. Et que ceux qui sont venus ici, ce sont des Noirs. Donc nous tous nous avons accepté. J'ai donné mon identité, il y a une connexion. Que chacun de vous donne son identité. Si vous ne connaissez pas tout, soit vous parlez en français, soit vous parlez dans votre langue, parlez en benga ou en sake ou en sekiani. Vous donnez votre identité, votre nom, le nom de votre père, de votre mère, de votre arrière-grand-père, si vous voulez, de votre clan. C'est le moment maintenant. Bien. Parlez. Taja ne peut qu'on est éloigné, vivre. Ma diabono vous a dit loin, à Kewani. Quelqu'un d'autre, continue, enfin, ou bien en quelle langue, même en français. Moi, je suis Nonche. Moi, c'est Nonche Zengpe, Anilan. Fille des Zengpe Vincent, la tribu Fonte, et d'Akewa Jeannette, fille de Akewa Jeannette, fille de Toba Rajor, de Nonche Reine Gatouya d'Ongana Kaïka. Je viens ici, votre enfant, pour vous dire bonjour. Et de, pour vous demander de m'assister. Car nous présente devant vous aujourd'hui. Je vous prends comme une petite fleur, mon pays, peu d'abord. Mon petit voile, petit Dieu, mon grand chien, petit chien. Je sais que vous avez adoré, je peux vous mettre, je peux vous mettre. Je me présente Bonga Georgette, fille de Pemba Marie-Louise. Ma grand-mère s'appelait Vendy Cécile. Tout d'abord, je vous remercie de nous recevoir aujourd'hui. Merci. Merci. Je m'appelle Viviane Boblaï Viviane. Toucha, fille de Doajane, elle-même fille de Roi Denis et de Saint-Madeleine. Également fille de Toucha Vanny Alphonse, lui-même fils de Kei Bani et de Jacques Lignon. Kei Bani lui-même fils de Daya. La tribu de Rabaron. Merci de nous accepter. Merci de m'accepter sur votre territoire. Min moi ni nous, tu kai chi mouvongo. Yakui saku, moku. Min moi ni kai chi mouvongo. Moi ni moutou nyongo. Ti moi ni kai chi mouvongo. Yakui saku, moku. Yuvana. Moku lutelani. Mwana wa Saido Umadi Mohamed na mwana Fatima Wali Bwanaiti. Nzumvirisha marahaba wa mwari. Karibisa embassy yangu. Marahaba tuna. Kwezi. Mwendi mwambu idamu unoko napenda mutamba. Mwambanya mwendi Pablo mwono. A Margarita Manero. A Yonga Niño Nina, a Keva, Nayo, the Pacani was in the new Nana, a Inga Kambo, Tanakam and the Mami, Matamakam and the Mami, Matamak and the Rebo. On en parlait. Kumame Knashi Warren Fadibi, fils de Samuel Fadibi, fils de Yombo Madeleine. Samuel Fadibi, c'est le fils de Fadibi et de Bwanza. Yombo, c'est la fille de Bebaï. Bebaï, c'est la fille de Mpasi. Vungu, Punu, Bakaningi, Aduma, Clan Nyanga. Merci de me recevoir. Ceux qui n'ont pas eu le temps de se présenter, vous allez le faire devant votre arbre. Mais cet arbre a été simplement sélectionné exprès. Je ne sais pas. Ce n'est pas moi. Ils m'ont attiré ici. Parce que je suis convaincu que c'est un arbre qui vit. Sauf que là, j'ai testé les branches. Il vit. Comme vous savez, c'est le fond. Maintenant, chacun va choisir un arbre. Mais avant d'y en arriver là. Souvenez-vous, pour ceux et celles à qui je fais les consultations, je vous ai fait certaines révélations de certaines personnes qui guident votre vie. Et c'était la grande opportunité pour vous de vous connecter avec ces gens-là. Le nom de votre grand-père qui a influencé votre vie, le nom de votre maman et tout. Bon, c'est pas trop grave. Nous avons tout autour de nous les arbres. Nous allons faire aujourd'hui, à cause du temps et du froid qui vous menace, moi je n'ai pas de problème. Nous allons rapidement faire trois enseignements. Et rassurez-vous que ce temple est déjà activé. Okay? Toute forêt où vous irez, il faut d'abord demander la permission d'y entrer. Toujours. Et toujours est-il qu'ils vont vous indiquer quelque part. On appelle ça le portique. C'est la portique ou le portique? Le portique. Dans le Bouéti, vous avez sûrement vu. Partout vous verrez ça. Il y a une entrée quelque part. Dans le Banja, il y a le portique. Même le Mbandia, c'est la forme du portique. Vous rentrez. Vous ne pouvez pas rentrer là-bas sans cette autorisation. C'est ce que nous avons fait. Maintenant, nous sommes dans le Mbandia. Nous sommes plutôt dans le temple. Oui, c'est la même chose. Étant dans ce temple, rassurez-vous, et s'il vous plaît, que là, les seuls murmures que vous devez faire, les seules paroles que vous devez dire, c'est maintenant que vous adressez à vos ancêtres. Quel que soit l'exercice que nous avons fait, concentrez-vous sur ceux. Concentrez-vous sur votre grand-père. Ce nom-là me revient toujours. Bien. Vous vous concentrez donc sur le nom du grand-père. Je pense à Ngando, bien sûr. Regardez, il allait me faire même tomber. Monsieur Ngando. Donc, il faut penser à cet homme qui a influencé votre vie. Maintenant, nous allons faire les trois exercices. Okay. L'autre, nous allons commencer par le tout premier. Au moins, vous n'aurez plus froid. D'accord? Vous avez vu la page là. La page où il y a les dessins. Alors, mais ne le faites pas là-bas, alignons nous-mêmes ici. Oh oui. Bon, mais Georgette, tu ne vas pas le faire parce que c'est... Mais non, je sais que c'est galère pour moi. D'accord. Aujourd'hui, je galère. Vas-y. sur la surveille. D'accord. Je crois que ça va faiblir, là, je sais pas.